8h presque 30 pile. On va aller voir si André est déjà là. Le Jedi est pas de retour. Le Jedi revient demain. Ah, ouais. Ça. Ben, parce qu'il fait beau, hein. Oui, puis les vols du lundi sont plus pratiques. Je pense que oui, hein. Ouais, ouais. Parce qu'il me semble que ça donne tout le temps comme ça. Il part un lundi pour revenir l'autre lundi. Ah, c'est dans un endroit où il fait un petit peu plus chaud puis qu'il vente un petit peu moins qu'ici. Ah, ceux qui ont vu neiger samedi matin dans la région de Québec ont compris pourquoi on vit dans un pays de cul. Mais je veux peut-être profiter pour faire part à tes auditeurs de ce que j'ai appris en primeur il y a quelques instants. Vas-y. La manifestation contre le réchauffement de la planète qui devait avoir lieu devant le Parlement, ce midi, a été déménagée devant Robert Giffard. Ils auront moins long à marcher. C'est-tu ce qu'on appelle la gifle? Ouais. Tannant de plaider le réchauffement de la planète, c'est assez. Il me semble que le timing n'est pas bon. Mais tu vas voir, hein? Au mois de mai, il va y avoir une journée à 30 degrés, puis ils vont tous sortir les crustis de bébites, les barbichettes, puis les boucles d'oreilles, puis les queues de cheval, les cheveux gris. Et les médias vont tous tomber dans le panneau. Ouais. On va revoir les articles sur le réchauffement de la planète. Oui, ça va partir en grande, alors que tout le monde aux États-Unis ou dans le vaste monde, puis en Grande-Bretagne, dit oui, le réchauffement de la planète est peut-être un problème, puis ça n'en est peut-être pas un, puis c'est de toute façon, la démonstration, c'est de la mauvaise science. Ouais. La science de mauvaise qualité qui a été mise au service des préjugés. C'est ça. Depuis deux mois, moi, je serais pour le réchauffement de la planète. J'en veux plus, je veux des palmiers le nom de Saint-Charles avant de mourir. Donne-moi une pancarte, puis j'y vais dans la presse. André, on va reparler, j'imagine, au cours des prochaines semaines, pas mal de prostitution juvénile. Encore à Québec, toi, tu y vas pas? Ben non, pas ce coup-là. Comment ça? Je sais pas. C'est-à-dire qu'on fait de la discrimination. Un ami du maire Lallier est couvert, l'autre ne l'est pas. En fait, j'ai pas eu d'informations là-dessus. Là, je suis encore bien sanglé à console ici ce matin. Là. Bon, ben garde, là, va voir tes boss, puis explique-leur que c'est demain, là, que ça continue, puis c'est aussi important. En fait, c'est très important, d'autant plus qu'il y a encore une fois trois filles qui vont aller témoigner devant la justice. Dont deux qui sont des vedettes inconnues. Ils ont le Star Academy des témoins. En plein ça. J'essayais encore une fois ce matin de rappeler aux gens que le fossé entre la première et la deuxième victime dans le dossier de Robert Gillet n'était pas si grand que ça. Ouais. Que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de l'apparence, des priorités, de la façon de parler, de la façon de réagir. On a tellement, pour le public, je trouve, tracé un grand canyon de différence entre ces deux jeunes filles-là, alors que la vérité est tellement différente, André. Juste à les entendre parler, juste à entendre ce qu'elles ont à dire, à les voir réagir, les voir demander de sortir pendant 5 minutes quand elles sont en train de témoigner, les voir réagir aux questions de Maître Jacques Larochelle, ces deux jeunes filles. Il faudrait le garder en mémoire. C'est intéressant de voir, après ce qu'on a observé, l'avocat de Robert Gillet, l'impayable kilomètre La Rochelle, allait dire que le juge... elle va être dure à gober, celle-là, André. Ben, regarde, là, peut-être qu'en cour d'appel, il y a aussi des gens qui dînent avec Robert, là, mais c'était dur à avaler en cibole ce qui est arrivé. Parce que je sais pas si c'est sur place, j'ai mal compris ce qui s'est passé, mais moi, ce que j'avais cru comprendre et traduire dans les indications du juge au jury, c'est à qui t'allais ces trois chefs. Oui, puis c'était garde. Il est allé jusqu'à dire que le mensonge de la jeune fille était intolérable, mais qu'il fallait comprendre les mensonges de Robert, parce que ça, c'était normal. Il y a ça dans son texte, là. Puis regarde, le laïus à la petite, là, sur « Arrête de te plaindre, il y a des filles de ton âge en Afghanistan qui ont été envoyées par le gouvernement canadien. » Le juge Martin a été un militant des anti-victimes durant ce procès-là. Il a le droit, là. Mais il nous a montré un visage de la justice qu'on croyait pas cruel comme ça. Et pendant ce temps-là, dès que Robert Gillet termine son procès, il s'en va se victimiser davantage que les victimes à n'importe qui lui tend un micro. Ouais, le Golden Tour. Mais en tout cas, et ensuite, il se présente devant la cour au civil puis demande un interdit de publication. Il veut qu'on lui soumette 5 jours d'avance tout propos qu'on entend tenir à son sujet. Donc, logiquement, si cette requête-là avait passé, ben là, on pourrait pas se parler ce matin. On pourrait se parler, mais on pourrait parler on pourrait parler de la salubrité des restaurants, tiens, par exemple. On va parler de d'autres choses. Ah ouais. On n'a pas le choix. Ben non. Hey, j'aime bien les images que LCN nous passe en boucle ce matin, André. On a fouillé dans les archives, j'imagine, et on a trouvé une superbe image d'Yvan Cloutier. À sa gauche, le bonhomme carnaval, et entre les deux, le maladie. Trois personnages dignes de soupçons dans toutes sortes de choses. Et on oublie jusqu'à quel point Yvan Cloutier est près de Jean-Paul Lallier. ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment révélé aux citoyens de la région de Québec. C'est qu'en 1994, Yvan Cloutier a présidé le carnaval d'hiver de Québec. Mm-hmm. Or, après le carnaval, il s'est retrouvé, mettons, entre deux emplois, comme on pourrait dire. Il s'est retrouvé dans une mauvaise période. Et Jean-Paul Lallier a volé à son secours en le faisant embaucher dans les services de développement industriel ou économique de la ville de Québec avec un titre de genre commissaire industriel. Or, les gens du syndicat d'école blanc ou le syndicat des cadres, je m'excuse, de la ville de Québec, ont protesté pendant des années contre la création illégale du poste d'Yvan Cloutier par l'autorité personnelle du maire de Québec. Ils ont dénoncé le fait qu'on créait un poste de cadre. On a inventé une tablette. Une tablette ou une vraie job, là, c'est une belle job, qu'on avait inventée pour convenir aux besoins particuliers de quelqu'un qui est proche du maire. Et c'est après que le syndicat des cadres ait tenu son bout pendant plus de 2 ans, si je ne m'abuse, que finalement le maire de Québec a capitulé et qu'il a renvoyé Yvan Cloutier en abolissant le poste. Le poste, une fois libéré d'Yvan Cloutier, à ma connaissance, n'a pas été rempli par le meilleur candidat. OK, fait que c'est Yvan Cloutier où on va s'en passer. C'est ça. On a besoin de lui et de personne d'autre. Or, c'est le même Yvan Cloutier qui est maintenant accusé d'avoir profité de la traite des jeunes filles à Québec. Et c'est encore une fois dans l'environnement proche de l'impayable maire de Québec, Jean-Paul, la maudite banlieue, l'Allier. J'avais hâte de te parler ce matin, André, parce que moi, je suis encore plein de doutes ce matin. Là, tu me confirmes qu'il y a un ancien président du carnaval qui a été arrêté et qui va être cité à procès parce que... C'est une rumeur, ça. Oui, c'est ça. Là, c'est... D'après Radio-Canada, c'est une rumeur. Le même Radio-Canada qui nous annonçait vendredi que Robert poursuivait 2 animateurs pour 3 millions de dollars. Grosse nouvelle, c'est arrivé en décembre. C'est un scoop. Mais c'était le fun d'en reparler en faisant semblant que c'est nouveau. Ça donne une chance de parler des amis, les amis de mes amis. Oui, c'est... On les a reconfirmés dans le journal en fin de semaine que Robert Gillet s'était fait faire la tournée royale, finalement, des nouveaux locaux de Radio-Canada à Québec. Oui. Et qu'il n'a pas voulu enlever ses bottes, ça faisait trop froid. Ça faisait froid un petit peu. Oui, il n'était pas à l'aise. Ses petits petons étaient refroidis un peu. Apparemment, la bâtisse est de tellement mauvaise qualité que Radio-Canada gèle des pieds. Ben oui, toujours ça de prix. C'est toujours ça, il n'y a pas de petit profit, c'en est un. Ils ne sont jamais posé la question pourquoi ceux qui étaient avant sont partis. Oui. C'est le retour de balancier. Ah, il fallait absolument qu'ils soient au Carré du Ville, les niaiseux. André, comment les victimes doivent se sentir? Je ne sais pas si tu as eu quelques contacts ou quelques conversations, mais à la lumière des autres procès, parce qu'il y en a qui vont témoigner souvent, là, dans la prostitution juvénile. Mais là, ils ont un break. Là. Fraser Sleeman Martin n'est pas là, puis c'est un nouveau Anglais nommé Bronton. Il y a mm-hmm. des Anglais qui sont supérieurs à Montréal, coudonc. Mais s'ils cherchent des gens qui ne dînent pas avec Robert ne dîne pas avec les Anglais, pour voir. Avec un nouveau procureur de la couronne, Mme Erika Porter, mm-hmm. et avec un nouveau procureur de la défense, un fils de Micheline Saint-Laurent. OK. L'impayable Micheline, la Barbie de Télémag, ancien professeur, il me semble, compagnon de quartier. La Micheline Chenard et un de ses fils ou son fils va être l'avocat de la défense dans ce dossier-là. Donc là, il y a plein de nouveaux acteurs. Plein de nouveaux acteurs, puis ça nous remet encore tout proche des juges de la Cour supérieure. J'espère qu'on va se servir de toutes les choses qu'on a entendues dans le procès de Robert Gillet, entre autres dans les procès qui vont suivre. On a entendu énormément de conversations téléphoniques mettant en vedette les principaux accusés des prochaines semaines, où on entendait des choses. Oui, il y a quelque chose. Un des faits saillants qui m'est resté du procès de Robert Gillet, c'est d'entendre un gars dans la cinquantaine saliver d'avance à savoir qu'il allait voir une petite jeune. Ah ouais? Ah ouais, comme ça, t'en as une pour moi. Ben tabarnouche, quand est-ce que tu peux me montrer ça? J'ai trouvé ça dégueulasse, André, là. Regarde, c'est un sport qui est répandu dans le vaste monde, là. T'as le principal conseiller du premier ministre de France qui a perdu sa job vendredi à Paris, après avoir été surpris avec une adolescente de 17 ans dans sa voiture, une petite prostituée roumaine. Lui, il a perdu sa job. Lui, il a perdu sa job. Les Français sont vraiment pas compréhensifs. Faut les dénoncer. Oubliez pas que Robert a fait une émission le lendemain, lui. Ben oui. Dans laquelle il faisait des commerciaux de Rosa Bora. Comme si rien n'était. Oui. Hey, les sous-vêtements affriolants de Rosa Bora. Yeah, yeah, yeah. Cute. On sait que je suis impliqué, mais je ne peux pas parler pour le moment. Il reste combien de temps avant qu'on le réentende, là? Oh, ça ne sera pas long, là. Regarde, le 7 juin, tu vas entendre Gilbert Rozon au Musée national des beaux-arts de Québec, invité par les grandes conférences de Bell, un déjeuner-conférence de la Fondation de l'entrepreneurship, commandité par le gouvernement du Québec. Gilbert Rozon va venir révéler le type de leadership qu'il pratique, le genre de gestion qu'il applique, les gens et les événements qui les influencent, les types d'alliances stratégiques qu'il développe, les valeurs qui l'animent et encore. Ça va être 70 18 piastres plus les taxes pour assister à ça au Musée national des beaux-arts de Québec. Une conférence de Gilbert les petites filles Rozon. C'est le gars qui a menti en pleine face de la cour quand il est allé dire que l'épisode dans le manoir était un pur hasard, étant donné que jamais d'autrefois il n'avait eu de problème avec des jeunes filles, alors que nous on entendait une jeune fille qui racontait avoir trouvé un rose dans sa chambre le soir de ses 16 ans dans une chambre de l'hôtel du Capitole où Gilbert Rozon s'était trouvé une clé de sa chambre puis était entré aux petites heures en robe de chambre en petit mollet poilu et c'était la mère de la petite qui avait décidé de coucher au pied du lit comme un bon chien de garde qui a intercepté le Rozon dans la chambre de sa fille. Or ça, c'était à la connaissance de l'avocate de la couronne dans le dossier Rozon et quand Rozon a dit qu'il n'y avait jamais eu d'autres problèmes avec des jeunes femmes, l'avocate n'a rien dit. Elle l'a laissé parler. Est-ce que c'est parce qu'elle était distraite, sans doute? Oui, distraite. Un an plus tard, à peine, au gala des Oliviers, tous les humoristes se levaient d'un seul trait pour accueillir Gilbert Rozon faire un discours standing ovation. Les gens sont spéciaux. Ouais. Alors là, on l'invite, on va payer 80$ par personne pour aller l'écouter le 7 juin raconter comment lui, il est un grand homme d'affaires. Oui, ben, il a pu se payer un Pierre-Marc Johnson comme poteau, un ancien premier ministre du Québec, un ancien ministre de la Justice. Pendant que ce gars-là faisait face à la Justice du Québec, ses menues affaires étaient administrées par l'ancien ministre de la Justice qui avait peut-être nommé les procureurs de la Couronne qui s'occupaient de son dossier. Pas pire, ça. Pas pire, ça. Comme pays de cul, dur à battre, ça aussi. Non, non, on commence à avoir de plus en plus exemple, ça va prendre combien de temps aussi avant qu'on oublie les histoires de TVA, Belado, l'ambulance, Lee Snyder, well. Alors, le 7 juin, c'est à midi au musée. Bon. Si tu veux une table corporative puis t'achètes au moins 8 places, ça va te coûter 78$ pour amener tes chums. Par fun. Ah, c'est plus ça. Les taxes. Je veux dire, si on remplit une table, ça va être moins pire. J'accepte Visa. C'est admissible à la loi 90. C'est ce que ça veut dire, ça? Non. C'est considéré comme de la formation. Ah, OK, comme si j'allais apprendre quelque chose. Oui! Ah, ben c'est le fun. Oui! Tout d'un coup, ça m'intéresse. C'est drôle, je t'écoutais faire la nomenclature des sujets qu'il va traiter tantôt. Si on les prend tous à double sens, ça se peut qu'on ait une maudite bonne conférence. À une des choses qu'on n'a jamais su dans le dossier d'Yvan Cloutier, c'est, et un ami que je salue me fait remarquer ça, c'est que quand ils ont aboli son poste à l'hôtel de ville, quelle prime de séparation a-t-il reçue? C'est une question qui n'a jamais été posée. Il doit en avoir au moins un qui le sait, non? Alors, je la pose. Il doit y avoir des journalistes à Québec qui peuvent nous dire quelle est la grosseur de la prime de départ que Yvan Cloutier a reçue quand Jean-Paul Lallier a été obligé d'abolir le poste bidon qu'il avait créé pour lui trouver une job à l'hôtel de ville de Québec. Hey, il y aura même des gars là, au soleil là, qui sont capables d'avoir Jean-Paul Lallier facilement en ligne. Pourquoi ils ne l'appellent pas tout de suite? Parce que oui, d'habitude, les contacts sont bons. Hey les gars, vous êtes capables. Découragez-vous pas, vous êtes capables. 8h44, André. On s'arrête, on vient. Restez à l'écoute. André Assur vous revient de l'autre côté de la pause. CBFM 103.7, la radio qui s'explose à Québec. Go! Quand je dis qu'une boutique tient la route, je sais de quoi je parle. Avec Fournel Bicycle, vous pédalerez longtemps. La saison commence, faites faire une vérification en 15 points pour seulement 28$. Un vélo Norco avec cadre en aluminium à partir de 9,16$ par mois, ou un vélo Norco avec frein à disque à partir de 14,16$ par mois. Et un cadeau parfait pour un cycliste, un odomètre 16 fonctions à seulement 39,95$. Fournel Bicycle, première avenue Charlebourg et Saint-Vallier-Est de Québec. Là où on vend des vélos et que des vélos. Pour que la navigation de plaisance reste plaisante, vaut mieux les vrais marins de G&A Bourque Marine. Conseils judicieux et gratuits, réparation de pneumatiques, confection de toiles sur mesure, service de réparation et de mise au point complet pour à peu près n'importe quelle marque. Ce sont les nombreux services que vous offrent les vrais experts de G&A Bourque Marine. La sécurité sans sacrifier le plaisir, G&A Bourque Marine, 837-1566, 837-1566. On sait comment ça marche. Vous allez dans une salle d'entraînement, puis deux semaines après, deux mois plus tard, vous abandonnez. Le haut de gamme de l'entraînement personnalisé est enfin arrivé à Québec. Whitum et Boucher, le seul centre de la province où la science et la technologie sont mises à votre service et où le maintien constant de votre motivation est une priorité. Nous ne visons qu'une chose, c'est que vous atteigniez vos objectifs. On est comme la fine cuisine, puis les autres, le fast-food. Whitum et Boucher, centre clinique de physiologie de l'exercice, 667-0440. Oh, bonne nouvelle, le centre Chrysler de Québec est maintenant ouvert et tout est démesurément gros. En fait, presque tout. Les installations, les départements de pièces et services, le choix des véhicules, la qualité, tout est gros, excepté les prix. Le centre Chrysler de Québec, un seul prix, le meilleur prix. Avant de faire l'achat ou la location d'un produit Chrysler Jeep Dodge, venez visiter le tout nouveau centre Chrysler de Québec situé au 2025 rue Jean Talon Sud. Hey. André? Oui? Je veux te partager une expérience tripante que j'ai vécue vendredi soir. Faisons un partage. je pense que t'aimes ça le baseball? J'adore le baseball. J'aime ça y aller de temps à autre. Malheureusement, on me dit, puis tout le monde me dit, que le stade olympique, c'est loin d'être le top du baseball, puis que c'est vraiment pas la même ambiance qu'un match aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que lorsque il a été modifié, les gens ont dit que c'était le meilleur endroit. Mais lorsque l'intérêt est venu de déménager l'équipe pour enrichir certaines crapules, là, c'est devenu un très mauvais endroit, sans qu'il ait changé. On n'a pas eu un mauvais match pourtant qui s'est terminé 8-6, mais j'ai eu la chance d'être dans ce qu'ils appellent le club du receveur, c'est ça? Ah oui. C'est extraordinaire, André. Ah oui, c'est comme regarder un match de la coulisse. C'est comme regarder une pièce de théâtre depuis la coulisse. C'est que tu vois les choses de proche, tu es plus près de la plate, c'est à certains sièges du club du receveur, tu es plus près de la plate que le lanceur. C'est incroyable. C'est à côté, puis là, ceux qui argumentent que le baseball, c'est pas un sport, là, allez tout chez l'iable. Ah oui. La balle va à une vitesse, tu peux pas la voir sur le côté, sur la ligne du troisième, par exemple. Ouais. Tu peux pas le voir à TV non plus. Mais... C'est vrai que le baseball, vu de proche, est très intimidant. Hein? Faut avoir du gosse pour rester à côté du marbre quand une fronde comme ça arrive. J'ai eu deux sièges dans le club du receveur pendant quelques années. Oui. Et j'aimais ça parce que, dans le cas, je m'étais occupé du cas Warluck, moi. Ouais, Tim Warluck était un des joueurs que j'ai le plus maîtrisé chez les Expos. Comment ça, donc? Un gars overrated qui, après avoir eu un bon contrat, s'est assis dessus, il a arrêté de se forcer le cul, puis il avait même dit en entrevue que là, il était payé pour ce qu'il avait déjà fait et non pas pour ce qu'il faisait. Et je m'étais mis sur son cas, puis c'est un endroit, le club du receveur. Ah, ça! Ouais, mais là, ça c'est un Buck Rogers. Ah non, c'est un Buck Rogers. Ouais. Et avec Tim Warluck, je m'étais mis sur son dossier, lui, puis il était obligé de m'écouter, tu sais, parce que j'ai une voix qui porte. Puis j'étais quasiment à 20 pieds de lui. Puis même qu'à un moment donné, il avait fait un jeu particulièrement niaiseux. Il avait soigné dans le beurre. Puis je m'étais moqué de lui. Et l'arbitre au marbre s'était tourné, m'avait fait un clin d'œil. Mais c'est parce que là, tout se rend sur le terrain. Là, tout, ah ouais, le baseball est un endroit où un millionnaire, tu peux l'engueuler, mais il est obligé de t'écouter. C'est un des rares endroits. C'est terrible d'écouter. J'écoutais Denis qui disait qu'il allait au baseball et pour qui c'était important pour lui d'y aller. Puis André aussi, souvent, quand t'en parles, la passion, elle passe comme une tonne de briques. C'est-tu dommage de voir qu'à Montréal, Planète Sport Montréal, Régent Tremblay, en proue, a décidé de plus jamais mettre sa plume au profit du baseball. Si beau sport et un drapeau, une pierre angulaire, une vision pour notre coin de pays extraordinaire, une fenêtre extraordinaire sur le monde qui était les expos. Personne ne parle de ça. Le personne baseball à Montréal est mort de l'anti-américanisme des Montréalais. Dommage. Les Montréalais racistes, en particulier les gens influencés par quelques gars très importants qui ont, dans les pages sportives de Montréal, ont décidé que c'était pas digne d'eux, ça. Et puis, ils ont cessé de s'y intéresser. Le Canadien de Montréal a joué beaucoup là-dedans. Hein. Oui. Oui, justement, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est parce que, justement, les journalistes de Montréal, c'est un sport qu'ils ne comprennent pas ou ils n'ont pas suffisamment de contacts ou ils veulent tout simplement pas s'impliquer parce que la manne du Canadien est assez forte pour eux autres et suffisante? Oubliez pas qu'en 1976, quand le PQ arrive au pouvoir, les expos ont un succès fou. Oui. Ils vendent des billets de saison comme personne en vend. Ils sont certains d'avoir au stade olympique, dans peu de temps, un succès extraordinaire. Peu importe l'endroit du stade, l'important c'est que le métro y passe. Et soudain, arrive la plus grande création du Parti québécois, Toronto. Toronto est une invention du PQ. Toronto serait encore une ville paroissiale, isolée et minable si le PQ n'avait pas chassé de Montréal les gens originaux, les artistes, puis ceux qui avaient de l'argent, qui sont allés se développer là-bas. Et qui avaient tous des billets de saison aux expos. Mais ils ont été jetés dehors, puis ils ont été vitalisés. Toronto, et ça, t'as eu le Sky Dome qui s'est créé, les Blue Jays, les Raptors, en fait. Actuellement, c'est pas plate vivre à Toronto. Non, c'est une belle grande ville d'Amérique du Nord. Et vivant. Et c'est maintenant la métropole du Canada, ce que Montréal était. Et oubliez pas que Toronto, merveilleuse ville nord-américaine d'aujourd'hui, c'est une création du PQ qui a tellement fait de nettoyage ethnique à Montréal, qui va s'achever par les fusions municipales, que il n'y avait plus rien de vivant. Puis les expos sont morts parce que leurs meilleurs partisans sont partis et les Canadiens de Montréal ont survécu à ce nettoyage ethnique parce que leur aréna est plus petit. Vendre 18 000 billets, c'est plus facile que d'en vendre 30. Ça, c'est clair. Donc, les Anglais qui étaient amateurs de sport et qui sont partis ont frappé plus fort les expos que les Canadiens. Okay. Et les Canadiens commencent à être touchés. Là. Ben justement, pas sûr que tout est plein pour les séries. Là. Si la tendance n'est pas inversée au cours des prochaines années, le Canadien va prendre la même direction que les expos et les Nordiques. Absolument. Et à cause du fait qu'on a laissé Montréal mourir en enlevant de Montréal les gens qui avaient des sous, qui avaient de l'enthousiasme, qui avaient des projets. Brantman s'est rendu compte à un moment donné, écoutez, moi je suis resté, je suis le dernier à pas être parti, je crisse mon camp. Il habite maintenant Tel Aviv. On les a mis dehors, les Anglais. On veut pas de vous autres. Votre affichage, on n'en veut pas. Votre langue, on n'en veut pas. Vos institutions, on n'en veut pas. Le Shriners Hospital, qui est une branche, les Shriners d'une branche des francs-maçons nord-américains à Montréal, est en train de fermer. Le Shriners, qui est reconnu dans l'Amérique du Nord comme étant le plus extraordinaire hôpital pour enfants à Montréal, est en train de fermer. Ils vont reconstruire un Shriner, mais ils vont le mettre à Toronto parce qu'à Montréal, ils n'ont plus l'appui de la population. Parce que ce qui est resté dans Montréal, c'est des Canadiens français mesquins, intolérants et pauvres. Et d'ailleurs, on les a vus au match inaugural des Expos. C'était 4-0 après une première manche. Essayez pas d'aller chercher quelque chose dans le lobby, André. C'était plein, ça débordait de monde partout. On écoutait le match du Canadien à la télé et la plupart des gens sont jamais revenus dans le stade. Ouais. Manque un bon match. Ça veut des finis caves, ça. Oui, pas à peu près. Tu payes pour aller voir un match de baseball, c'est pas à ton goût après une manche, tu t'en vas. C'est drôle, les Expos ont monté 5-5, ça a été le fun jusqu'à la dernière manche. Ça fait 3 ans que je suis pas allé aux Expos. Oui. Je sais pas si je vais y aller cette année. J'ai failli y aller avec vous autres vendredi. Ah oui? Ouais. J'ai le goût d'y d'y aller voir, mais personnellement, si tu veux m'amener au baseball, amène-moi au Fenway Park, amène-moi au Yankee Stadium, amène-moi au Sky Dome de Toronto. Mais Montréal, je veux pas m'asseoir avec ces gens-là. J'ai adoré mon match au Sky Dome l'an passé, André, alors que c'était les Yankees qui visitaient les Blue Jays. Il y avait énormément de touristes américains qui étaient sur place, puis ça sentait le baseball, ça suait le baseball. Puis je m'excuse, mais un toit de Sky Dome ouvert, quand tu fais plus 32 dehors, c'est la totale. C'est spécial. Est-ce que vous avez vu, Denis, puisque tu parles de touristes américains, le président américain, Gary Carter? comme Jean-Luc Mongrain l'avait appelé, l'ex-président américain, Gary Carter. Non, pas vu Gary Carter. Tu parlais de tes mois-là que tantôt, André, je ne sais pas si tu l'as vu récemment ou revu. Non. As-tu déjà vu les films de Bud Spencer et Terrence Hill? Non. Quoi tu parles, là? Non, c'est parce que si tu connaissais Terrence Hill, je t'aurais dit, bon, ben là, il est rendu comme Terrence Hill, mais avec 400 livres de plus. Il est rendu gros, le Tim. C'est ça, il mange des Buffalo Wings. C'est un cure-dent, ce témoin-là. Oh, c'est un athlète. L'année passée, on lui a rendu hommage au stade, puis j'étais là au match. Et tabarnouche qui a changé, il est méconnaissable. Après, agro à Tanguy, vous l'amenez sur le terrain. Mais ça, c'est vraiment un des pires abuseurs des nouveaux contrats, ça. Quand Wallach a décidé qu'il ne devait plus rien aux gens de Montréal parce que pendant une saison ou deux, il avait joué pour pas cher, puis qu'après avoir eu son beau contrat, il s'est assis sur son cul, il a commencé lui aussi à montrer aux Montréalais que c'était difficile d'endurer des millionnaires quand ils parlent anglais. Les millionnaires qui parlent français, on les endure, on les aime, mais qui parlent anglais, là, on les endure. Ce que je trouve ironique avec ce que tu dis, c'est que c'est Larry Walker qu'on a chassé à grand coup de pied dans le cul. Et à qui on n'a jamais fait d'offre pour le garder. Et ça, là, c'est l'immense malhonnêteté des racistes des pages sportives de Montréal d'avoir fait croire que Larry Walker, il voulait rester, que si, il s'était même fait pogner par sa femme avec une petite fille de l'organisation des Expos. Puis il avait toutes les raisons de rester à Montréal pendant un bout de temps, lui ne serait-ce que pour être à l'abri des problèmes. Il voulait rester. C'est un Canadien, un gars qui était originaire de Maple Ridge, dans la banlieue de Vancouver. Larry Walker a jamais eu des Expos l'offre qui lui aurait permis de rester. Puis un autre qui a fait une crise d'erreur, une mongeuse d'erreur, c'est Guerrero. 3-39 jusqu'à hier. Avec Anaheim. Lui, on y a offert, par exemple, André. Lui, ils ont fait une offre, puis lui, il n'a rien compris. Et puis, il est parti. Il n'a pas signé pour beaucoup, Anaheim. Non. Mais dans le contexte, on s'entend dans le marché. Là. Ben, c'est ça. N'empêche que ce gars-là, il va être plus... Regarde, c'est pas un gars intelligent, c'est un cave, hein, Guerrero. C'est vraiment un gars qui a un talent extraordinaire. Oui. Il frappe n'importe quoi avec un bâton. C'est ça. Pour le reste, il ne sait pas courir sur les buts, puis il n'est pas si bon en défensive. Parce qu'il a un bon bras, mais il ne sait pas où lancer. Le problème de Guerrero, c'est que là, il se retrouve en Californie, la banlieue de Los Angeles, les gangs de rue, les latinos. Ce gars-là, ça va être un criminel en dedans de 5 ans. André, est-ce que tu penses que les Expos, c'est la seule organisation où le même numéro a été retiré deux fois dans l'histoire du sport? Il y a beaucoup de raisons pour mettre les Expos dans le livre des records. C'est quoi cette histoire-là? Là? C'est le numéro 10. Ben oui. On a tellement attendu longtemps avant de retirer le 10 de Monday que Dawson en a fait un prestige et on a dû le retirer pour les deux joueurs. Cute, hein? Montréal est la seule ville dans le livre des records, la seule ville dans l'histoire du baseball à tout jamais où un match a déjà été annulé dans un stade couvert à cause de la pluie. C'est tellement vrai. Le seul endroit dans l'histoire du baseball où c'est déjà arrivé. À Houston, ils ont déjà annulé un match à cause des inondations causées par la pluie. Parce que l'environnement du stade était impraticable. Mais à Montréal, la pluie a arrêté un match dans un stade couvert. C'est la fois où le toit avait déchiré et qu'il avait l'air de... Non, avant ça, il pleuvait. Là. C'était un orage électrique qui avait déchiré le toit. L'autre fois... Oui, je me souviens. OK? Oui. Et le toit pendait du bas comme un vieux condom usagé. Oui. Oui. Je me souviens, parce que j'étais dans le club du receveur, il pleuvait sur le stade et les arbitres étaient rentrés sur le terrain. Manifestement, ces gars-là, ils n'avaient pas apporté leur rain gear. Là. Ils s'en venaient faire du baseball à l'intérieur avec des beaux petits chou-plaques fancy. Puis, je me souviens, c'était Bruce Fleming, l'arbitre au marbre, le chef d'équipe. Puis, il tenait une longue conversation avec les autres arbitres et quelques autres personnes. Et tout ce que j'entendais à peu près à 25 pieds, c'était des mots qui commencent par F puis qui font quatre lettres. André, tu sais à quel point c'est spectaculaire voir un joueur de baseball réussir un triple. Oui. Il n'y en aura pas beaucoup au stade cette année. On a changé la surface. Hey, ça paraît, hein? Et ça ralentit beaucoup la balle dans le champ extérieur. Ah oui. Orlando Cabrera en a réussi un vendredi sous nos yeux parce que le voltigeur de droite des Phillies s'est pogné le cul un peu. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Là. La balle est ralentie. Ça avantagera pas les Expos de jouer 81 matchs sur une surface comme ça. C'est une surface molle? Ouais, c'est un genre de tapis, tu sais, quand pour les tapis de golf, là. Ouais. Un genre de mini-pot, là, mais plus agressé un peu. La balle dans le champ intérieur, à un certain moment donné, sur un amorti non intentionnel, on a vu comme la balle engloutir dans le gazon. Elle fait des drôles de bonds, puis elle voyage pas beaucoup. C'est ça. Ah, ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est curieux. Okay, ça va aider qui, ça? Ça aidera pas les frappeurs, évidemment. Ça va aider la défensive. Mais comme les Expos vont jouer 81 matchs sur cette surface-là, et les équipes vont passer une fois de temps en temps, la moyenne offensive des joueurs des Expos, évidemment, va être affectée. Ça l'est déjà pas mal. Ouais. Finalement, tout ce que ça va convaincre, c'est les joueurs de ne plus remettre les pieds là. Hey, un trip que je vais me promettre, André, à la lumière de ce que j'ai vu dans le club du receveur, c'est faut que je vois Eric Gagné dans cette position-là. Ah oui. Ah, c'est sûr. Mais comment t'as fait pour voir ça? Est-ce qu'ils les vendent, ces billets-là, maintenant? On a eu une chance extraordinaire, André. On s'en va se chercher une poutine dehors. On croise un gars qui est avec son enfant de 3 ou 4 ans et qui dit « Mon enfant trippe pas, il veut aller voir le hockey, je vous les donne. » Saint Père de Dieu. C'est ça. Quand tu dis que tout est dû pour t'arriver, là... Moi, j'étais le seul détenteur de billets de saison dans le club du receveur qui n'était pas une compagnie. OK. Je les avais, moi, personnel. Puis quand les Expos ont commencé à faire les caves, je les ai abandonnés. Puis je n'ai pas pu les vendre, alors je les ai perdus. On ne se rend pas compte de ce qu'on perd. C'est ça qui me fait le plus de peine, que ce soit à Montréal ou dans la province de Québec en général. Puis on voit l'histoire de Québec se répéter à Montréal. Puis on dirait que personne s'en aperçoit, personne s'en rend compte. Ben non, parce que Montréal, ils sont uniques, ils sont spéciaux, ils sont différents, ils sont bons, ils sont... regarde, là... Montréal, c'est une planète différente. On ne comprend pas les grandes choses qui y arrivent. OK, mais avec l'exposure que le baseball a aux États-Unis, ce sera bien pire que la perte des Nordiques. Hein? Je pense que oui, mais je pense que c'est déjà fait. Je pense pas que ça soit nouveau. Je pense pas que les Expos, actuellement, quand ils vont partir, que ça va détériorer Montréal davantage. Je pense que le simple fait que cette équipe-là soit à vendre depuis 5 ans puis que personne ne la ramasse, déjà, le mal est fait. Je suis peut-être pessimiste, mais dans 10 ans, André, pour aller voir un événement sportif de haut niveau, pour aller voir un concert rock de haut niveau, pour aller voir n'importe quoi, dans le fond, pour se divertir, je pense qu'il va falloir voyager beaucoup. Good! On y va chez Intercar. Bonne journée, André. Salut. Salut, il est 9h02 à Choiret.